La vertu, soutien de l'épouse malheureuse, devient dans l'harmonie d'un beau ménage le titre le plus sûr de la femme à l'attachement de son mari. Cette harmonie conjugale, nous allons le voir, se retrouve dans les siècles de corruption plus souvent qu'on ne le croit. Elle nous est déjà apparue alors que nous esquissions les devoirs et les vertus de la femme. Arrêtons-nous quelques instants devant le pur tableau de l'affection conjugale, de cette affection qui réalise si bien les conditions qu'un grand évoque de nos jours donnait aux attachements d'ici-bas, le respect dans l'amour et l'amour dans le respect. Nous avons entendu Montaigne interpréter, comme ses plus religieux contemporains, la pensée biblique en considérant la femme forte comme la fortune d'une maison. Maintenant, ce philosophe à l'esprit sceptique, à la morale facile, va nous faire entendre sur le respect dû au mariage, des accents où, malgré une note railleuse, domine une religieuse gravité. Un bon mariage, s'il en est, ajoute-t-il, avec sa malicieuse bonhomie, refuse la compagnie et conditions de l'amour. Il tâche à représenter celle de l'amitié. Ailleurs, il est vrai, Montaigne, l'éternel douteur, croit que la femme, étant incapable d'amitié, ne saurait apporter ce sentiment dans le mariage. Mais poursuivons. C'est une douce société de vie, pleine de constance, de fiancés, et d'un nombre infini d'utiles et solides offices, et obligations mutuelles. Il dit aussi fort, justement, qu'aucune femme unie à l'homme qu'elle aime ne voudrait lui inspirer d'autres sentiments que cette amitié calme et dévouée. Si elle est logée en son affection comme femme, elle y est bien plus honorablement et sûrement logée. Pour celui-là même qui trahit sa femme, Montaigne juge qu'elle reste un être tellement sacré que si l'on lui demandait, à qui il aimerait mieux arriver une honte, ou à sa femme ou à sa maîtresse, de qui la fortune l'affligerait le plus, à qui il désire plus de grandeur, ces demandes n'ont aucun doute en un mariage saint. Ce qu'il envoie, si peu de bon, est signe de son prix et de sa valeur. À le bien façonner et à le bien prendre, il n'est point de plus belle pièce en notre société. Tout licencieux qu'on me tient, j'ai en vérité plus sévèrement observé les lois de mariage que je n'avais ni promis ni espéré. Le respect du foyer se maintenait donc toujours. L'amour d'un roi n'éblouit pas toutes les femmes et n'aveugle pas tous les maris. La femme de Jean Séguier repousse Henri IV. Et à ce même roi qui demande au maréchal de Roquelaure d'amener à la cour sa belle compagne, le rusé Gascon, prétextant la pauvreté de sa famille, répond en patois « Sire, elle n'a pas de sabatou, c'est-à-dire des souliers. » La famille biblique est l'idéal que poursuit la pieuse famille française. « J'ai regardé ma femme comme un autre moi-même », dit Pierre Pitou dans son testament daté du 15 novembre 1587. Et que d'exemples analogues nous trouverons dans les livres de raison, dans les mémoires du temps? Quel ménage nous offrent monsieur et madame de Chantal, monsieur et madame de Miramion, le maréchal duc de Schoenberg et sa belle et fière compagne Marie de Hautefort, le duc de Bouillon et sa femme, mademoiselle de Berg, célèbre par son courage, par sa beauté, et tendrement unie à son mari, monsieur et madame de Gondy, si étroitement attachés l'un à l'autre, qu'après la mort de sa femme, le veuf, incapable de recevoir aucune consolation humaine, se fait prêtre de l'oratoire, lui général des galères. Le duc de Charost, petit-fils de Fouquet, entoure de la plus constante sollicitude de sa femme, qui, dit Saint-Simon, mourut à 51 ans, après plus de 10 ans de maladie, sans avoir pu être remué de son lit, voir aucune lumière, ouïr le moindre bruit, entendre ou dire deux mots de suite, et encore rarement, ni changer de linge plus de 2 ou 3 fois l'an, et toujours à l'extrême onction après cette fatigue. Les soins et la persévérance des attentions du duc de Charost dans cet état furent également louables et inconcevables. Et elle le sentait, car elle conserva sa tête entière, jusqu'à la fin, avec une patience, une vertu, une piété, qui ne se démentirent pas un instant, et qui augmentèrent toujours. Et Saint-Simon lui-même, qui rend hommage à ce dévouement conjugal, Saint-Simon jouit avec sa femme de la plus complète félicité domestique. Elle fit uniquement et tout entier le bonheur de sa vie. Par son angélique douceur, par la muette puissance de ses larmes, elle sut obtenir de lui jusqu'au sacrifice vraiment sanglant de l'une de ses haines que son irascible époux gardait d'ordinaire à un ennemi avec une passion acharnée. Aussi a-t-il reconnu en elle le don du plus excellent conseil dans ce testament, où, avec une émotion si touchante sous cette plume inexorable, il rappelle les incomparables vertus de la morte, son aimable et solide piété. La tendresse extrême et réciproque, la confiance sans réserve, l'union intime parfaite sans lacune, qui furent les bénédictions de Dieu sur cette alliance. Pour lui, cette noble et douce créature était la perle unique, dont il goûtait sans cesse l'inestimable prix, la fameuse forte dont la perte lui rendit la vie à charge, et fit le plus malheureux de tous les hommes, de celui qui, par son mariage, en avait été le plus heureux. Cette union, il veut qu'elle subsiste jusque dans la tombe, et il ordonne que le cercueil de sa femme et le sien soient attachés, si étroitement ensemble et si bien rivés, qu'il soit impossible de les séparer l'un de l'autre sans les briser tous deux. Quelle harmonie domestique nous trouvons aussi dans la famille de Belle-Île. Le maréchal, qui a 45 ans, a épousé une veuve de 21 ans, lui fait oublier cette différence d'âge par sa tendresse et son amabilité. Dans ses lettres si simples et si affectueuses, il nomme sa femme son cher petit maître. Leur fils, le comte de Gisors, ce grand cœur, ce vaillant soldat, chérit la femme qu'il a épousée à l'âge de 13 ans et qu'il appelle familièrement Huchette ou Madame de la Huche. Avec quelle grâce caressante et grondeuse il lui écrit de l'armée au sujet d'une affaire qui concerne les rapports de l'archevêque de Paris et du Parlement, et à laquelle la jeune comtesse semble avoir mêlé son beau-père, le maréchal de Belle-Île, alors ministre. « Je suis en vérité fort votre serviteur, Madame de la Huche, mais d'amitié je vous dirai à l'oreille qu'il ne vous convient pas d'aller apostiller la lettre d'un ministre, lequel, s'il prend de mes conseils, ne laissera jamais approcher à deux toises de son bureau un petit furet qui renverserait et farfouillerait tous les traités de l'Europe pour chercher le projet de quelque réponse à monsieur l'archevêque sur un fait arrivé dans la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont. Ah, messieurs les ministres, méfiez-vous de toutes ces petites mères de l'Église. Nous autres particuliers, nous pouvons vivre avec elles en essayant le débordement de leur scie, de leur mari, de leur quart et de toute leur politique. Ce torrent-là écoulé, on retrouve en elles des femmes aimables, gentilles, et dont le temporel dédommage du spirituel. Mais vous, messieurs, gardez-vous-en. Si elles vous caressent, ces petites mères, c'est pour vous séduire, et dans l'instant où elles vous verront enchantées d'elles, vous donner des conseils relatifs à leur fin. Est-ce là votre portrait, ma commère? Dites-le de bonne foi. Je vous connais comme si je vous avais fait. Vous devriez aussi bien me connaître, Huchette, car il me semble que je ne vis que depuis que mon sort est attaché au vôtre, et que nous ne faisions qu'un. Il n'y a que sur la guerre et les affaires de l'Église que le moi qui est à Paris et le moi qui est à Abelstad se séparent. L'année suivante, le comte de Gisors, blessé mortellement à la bataille de Greifswald, mourait en héros chrétien. Il laissait veuve à 21 ans la jeune femme qui avait adoré et qui donna à Dieu et aux pauvres l'amour dont le plus cher objet lui manquait ici-bas. C'est dans le siècle où il était ridicule d'aimer sa femme, c'est en plein 18e siècle, que le comte de Gisors écrivait à sa jeune compagne la délicieuse lettre que nous venons de citer. C'était aussi au 18e siècle que l'on revit Philémon et Baucis. Philémon était monsieur de Maurepas, la légèreté en personne, dit Madame d'Oberkirch, et pourtant le modèle des époux fidèles. La pensée de sa femme était la seule idée sérieuse qui se put loger en sa tête, ajoute la spirituelle baronne. Quand il a été ministre, il eut volontiers mis la politique en chanson, et une larme de Madame de Maurepas le rendait triste pendant des mois entiers. Ils sont très vieux l'un et l'autre, et certainement ils ne se survivront pas et s'en iront ensemble. Au même temps, Philémon et Baucis se retrouvaient dans un ménage plus grave, celui du maréchal prince de Beauvau et de la digne compagne qui était sa lumière, sa consolation, le charme de sa vie. Après s'être aimés pendant 6 ans, ils avaient pu s'unir, et leur tendresse n'avait cessé de croître avec les années. Dans leur beau domaine du Val à Saint-Germain, ils étaient venus à consacrer le souvenir du célèbre couple de la fable en plantant près d'une chaumière les deux arbres qui rappelaient la métamorphose des vieux époux. Par une nouvelle métamorphose, le maréchal se voyait dans le chêne et sa compagne dans le tilleul. C'est près de cette chaumière, située dans la partie la plus élevée du parc, que Madame de Beauvau se plaçait pour attendre le cher absent qui allait revenir. Il la voyait, il pressait le pas pour la rejoindre. Nous nous embrassions comme si nous avions été longtemps séparés, dit la princesse, et nous ne l'étions que depuis 24 heures. Comment ne pas nous souvenir ici du joli mot de la princesse de Poix, fille du maréchal et belle-fille de Madame de Beauvau, cette charmante personne de 17 ans à qui l'on défendait de lire des romans. Défendez-moi donc de voir mon père et ma mère. Dans sa modestie, Madame de Beauvau trouvait que son mari chérissait en elle l'image qu'il s'était formée d'elle. Oui, c'est lui qui m'avait créée. C'était elle qui m'avait faite qu'il me voyait. En effet, de tendresse, il en a joui. Il m'en a fait jouir jusqu'à son dernier moment. Il faudra les cruelles impressions de la terreur pour faire oublier aux nobles époux le 29e anniversaire de leur mariage. Il s'en souvint le premier, dit la maréchale. Le lendemain, dès que je fus éveillé, il me le rappela avec une expression si douloureuse et si tendre que je crois voir, que je crois entendre encore, et son air et ses paroles. L'impression que j'en reçus lui fit regretter de l'avoir excité. 2 mois après, il n'était plus. Ils avaient confondu leur vie. Ils auraient voulu confondre leur mort. Pendant cette première année de la terreur qui leur avait fait oublier le meilleur souvenir de leur existence, ils eurent un instant l'espoir d'exhaler ensemble l'unique souffle qui animait leur deux vies. Le maréchal parut menacé. Il vit que j'étais résolu à ne pas le quitter. « Ah, me dit-il, ne craignez pas que je vous éloigne, je vous appellerai. » Ces paroles pénétrèrent mon cœur, et de toutes les preuves d'amour que j'ai reçues de lui, c'est celle dont le souvenir m'est le plus cher. Le bonheur de mourir ensemble leur fut refusé. Pendant 13 années, celle qu'un maître a nommée une Artémise au XVIIIe siècle eut la douleur de vivre dédoublée, de sentir cet abandon, cette chute, pour ainsi dire, d'une âme qui, accoutumée à s'appuyer sur une autre, s'affaisse et perd son ressort en perdant son appui. Peine d'autant plus irrémédiable que nulle espérance ne vient en adoucir l'amertume. Madame de Beauvau croit que son mari se survit en elle. Elle vit en sa présence. Elle lui soumet tous ses actes pour savoir s'ils sont dignes de lui. Elle s'applique à l'imiter pour qu'il ait en elle une digne continuation d'existence. Mais cette prolongation de la vie après la mort est la seule à laquelle elle croit. Imbue des funestes doctrines du XVIIIe siècle, elle n'a pas foi en l'âme immortelle. Elle attend non la fusion des âmes dans le ciel, mais la réunion des cendres dans un même tombeau. Son âme est vide de croyances religieuses, et son cœur est rebelle aux célestes espérances. Elle croit à la tombe où tout finit. Elle a la religion du sépulcre, qu'on aimerait avoir par instant dans ses pages assombries par une si persévérante angoisse, et par-dessus ce champ des morts où l'infortuné ne regarde que la terre, quelques coins d'azur du côté du ciel. Combien plus douces sont les images que nous présentent, du XVIIe au XVIIIe siècle, ces nombreux tombeaux, où sont réunis des époux, grands seigneurs, bourgeois ou simples paysans. Leurs effigies sont reproduites sur la pierre, et leurs mains qui se joignent dans l'attitude de la prière nous disent que ce n'est pas seulement dans ce froid sépulcre qu'ils ont espéré la réunion suprême. Tantôt la femme est partie, la première, bénissant son mari, ses enfants et fatiguée de la route, s'est endormie dans la paix du Christ, après avoir rempli sa mission. La duchesse de Liancourt, dont nous avons souvent remarqué les fortes pensées, va quitter celui qui, pendant 54 ans, a été son compagnon de route, celui qui a d'abord marché dans la voie mondaine et qu'elle a ramené dans le sentier du Seigneur. Tous deux alors, suivant un exemple que nous avons souvent constaté dans la Gaule chrétienne, et pendant le Moyen-Âge, n'ont plus voulu être que frères et sœurs. Lorsqu'elle sent approcher la mort, Madame de Liancourt, cette vaillante chrétienne, se fait porter au lieu où sa sépulture est marquée, et avant de fermer les yeux, elle dit à son mari « Je m'en vas, apparemment nous ne serons pas séparés longtemps, car à l'âge où nous sommes, le survivant suivra bientôt. Je pars donc dans l'espérance de vous revoir. Ce qu'il y a de sensible dans l'amitié des chrétiens n'est rien, il n'y a de grand que la charité. » qui demeure toujours, et qui est bien plus parfaite dans le ciel que sur la terre. C'est par elle que nous serons toujours inséparablement unis, et si Dieu me fait miséricorde, je le prierai qu'il nous réunisse bientôt. » Le duc fondait en larmes, ainsi qu'un prêtre qui était près de la mourante, et elle, s'étonnant de voir pleurer l'homme de Dieu, qui croyait-elle devait consoler son mari, elle lui témoignait sa surprise et ajoutait « Pour moi, grâce à Dieu, je suis en paix. Peut-on être fâché d'aller voir Jésus-Christ ? Si l'on a quelque chose à mettre sur ma tombe, il faut que ce soit, je crois que mon Rédempteur est vivant, et que je le verrai en ma chair. » Dans un projet de testament dressé vers 1678, un membre de la famille Godefroy, un historiographe de France, directeur de la Chambre des Comptes de Lille, recommande son âme à Dieu et lui offre un vœu touchant au sujet de la digne femme qui lui survit. Je prie Dieu de tout mon cœur de vouloir être sa toute-puissance consolation après mon trépas, de la bénir et lui donner les forces et le courage de supporter chrétiennement d'autres séparations, dans l'espoir de se retrouver unis en la patrie céleste et de la vouloir conserver encore quelque temps, s'il lui plaît, pour l'éducation et la protection des enfants provenus de notre mariage. En 1736, après la mort d'une femme de bien, le veuf écrit dans son livre de raison « Dieu veuille la recevoir dans son saint paradis, qu'il récompense par une éternité de gloire ses bonnes qualités et la tendresse qu'elle a eue toujours pour moi et pour mes enfants. » 17 ans après, l'un de ses enfants, un fils, veuf lui également, exprime aussi dans son chagrin les espérances de la vie éternelle. L'union tendre, sincère et inaltérable qui avait toujours régné entre nous, sa piété, ses vertus et l'attachement inexprimable qu'elle avait pour moi, me la rendait infiniment chère. Elle faisait tout mon plaisir et toute ma consolation. Le Seigneur ne pouvait me frapper par un endroit plus sensible. Que la sainte volonté soit faite. Je le prie de lui faire miséricorde et de me donner la consolation dont j'ai besoin. Qu'il me fasse la grâce de nous rejoindre l'un et l'autre dans son paradis pour le bénir et le louer éternellement. Ainsi soit-il. Heureux ceux qui, dans leur deuil, avaient ces perspectives sur l'infini. C'est là qu'était la force de la veuve chrétienne, la veuve vraiment veuve, dont le type austère et touchant se conservait toujours. Bien des femmes, pendant les 3 siècles qui nous occupent, ne voulurent plus dans leur veuvage que servir Dieu et les pauvres. Il en est qui, dans une bien tendre jeunesse, se vouent à cette mission, comme cette comtesse de Gisors que j'ai nommée, et avant elle, comme la sainte marquise de Grignan, qui, tout à la prière, à la charité, à l'étude, ne sortait que pour aller à l'église, et se renfermait dans le logis solitaire, où elle ne recevait personne, mais où une belle bibliothèque offrait à son esprit cultivé les seules distractions dont elle put jouir. Et comment ne pas rappeler ici le nom de Madame de Chantal, qui, après avoir été broyée aux pieds de Dieu par son veuvage, s'éleva à l'héroïsme de la charité et au plus haut sommet de la sainteté. Les derniers adieux des époux, les dispositions testamentaires du mari, témoignent du respect, de la reconnaissance, de la confiante tendresse que la femme chrétienne inspirait au chef de la famille. Quelle émotion contenue, quelle gravité religieuse dans ses paroles que sur son lit de mort, la Boétie adresse à sa femme. « Ma semblance, dit-il, ainsi l'appelait-il souvent, pour quelque ancienne alliance qui était entre eux, avait été joint à vous du saint nœud de mariage, qui est l'un des plus respectables et inviolables que Dieu nous ait ordonné, sabbat, pour l'entretien de la société humaine. Je vous ai aimé, chéri, et estimé autant qu'il m'a été possible, et je suis tout assuré que vous m'avez rendu réciproque affection, que je ne saurais assez reconnaître. Je vous prie de prendre de la part de mes biens ce que je vous donne et vous en contenter, encore que je sache bien que c'est bien peu au prix de vos mérites. » C'est surtout quand le mourant laisse des enfants que ces dernières recommandations témoignent de sa vénération pour sa femme. Comme le souverain qui, en expirant, laisse le pouvoir à son successeur, le chef de famille transmet à la mère de ses enfants le gouvernement de la maison, la tutelle des mineurs, l'administration de leurs biens, l'usufruit de leur patrimoine. Suivant une coutume de Provence, il dispense la mère de famille de tout inventaire, de toute reddition de compte. En Provence, la dispense d'un inventaire est établie à l'état de coutume et l'est à peu près sans exception. La mère de famille est si haut placée que prohibition absolue est faite à tout juge, officier de justice, gens d'affaires, de lui demander aucun compte de son administration et de lui créer la moindre difficulté. Si malgré les intentions les plus formelles du mari, on s'avisait de la quereller, elle aura à titre de legs tout ce pourquoi elle serait recherchée. Les enfants fussent-ils même majeurs, le père peut stipuler que la mère gardera l'administration du bien qu'il laisse. S'il n'y a pas de testament, des fils respectueux laissent à leur mère l'administration de leur bien. Il fait plus, il ne se contente pas de lui donner une part d'enfant, il la nomme héritière universelle, à la charge de régler elle-même la succession paternelle, selon le mérite de ses enfants. Un paysan provincial dit dans son testament, daté du 12 janvier 1664, qu'il en agit ainsi, pour donner à sa femme plus de sujets de se faire porter l'honneur, et le respect qu'un enfant doit porter à sa mère. Vers 1678, dans un projet de testament que j'ai déjà cité, un Godefroy institue héritière universelle sa chère femme, dont il a continuellement éprouvé la fidélité et l'affection. En priant Dieu de la laisser encore sur la terre pour élever et protéger leurs enfants, il ajoute « Je désire et entends qu'elle ait seule la garde et la conduite de nos 10 enfants, et qu'elle soit la seule tutrice ainsi qu'elle est bonne mère, qu'elle ait l'entière administration et disposition de tout le peu que je laisse de bien au monde, qui ne saurait jamais être en meilleures mains, ni sous un plus sûr gouvernement. Je recommande et en charge sur toute chose selon Dieu à tous mes 10 enfants d'obéir à leur bonne mère, la servir, lui déférer, la respecter et l'honorer en toute chose, sans lui faire jamais de déplaisir ni désobéissance, ne perdant jamais la mémoire et la reconnaissance de tant de faveurs et bontés qu'ils en ont continuellement ressenti. Et pour la femme qui avait été laborieusement associée à la vie de son mari, c'était justice qu'elle lui succéda dans le bien acquis ou conservé par une commune sollicitude. Ainsi pensait ce magistrat de Provence. Testant le 15 octobre 1593, il déclare vouloir récompenser celle qui, depuis son mariage, a souffert en tous ses biens et adversités, s'est employée à l'augmente de sa maison, et se confiant à son intégrité et à l'amour qu'elle porte et portera à ses enfants, il entend qu'elle soit dame, maîtresse, administrative de tout son bien, ainsi qu'elle était de son vivant, et que ses enfants la respectent comme s'il était encore en vie. Par l'ordre, par l'activité, par l'économie, la veuve savait d'ailleurs ajouter au patrimoine de ses enfants. Néanmoins, Montaigne s'effrayait du pouvoir qu'avait la veuve d'instituer l'héritier. Très peu confiant, nous le savons, dans le mérite des femmes, il ne croyait pas à la clairvoyance des mères. Mais Bodin en jugeait autrement. Il pensait que l'amour d'un père ou d'une mère est assez grand pour que la loi puisse présumer qu'ils mesureront leur pouvoir. Tout en regrettant que la mère pût disposer entre ses enfants du patrimoine de son mari, Montaigne trouve juste qu'elle est la tutelle de ses enfants. Il déclare avec raison que l'autorité maternelle est la seule suprématie que la femme doive avoir sur l'homme. Cette autorité est d'ailleurs de droit divin. Le Seigneur l'a formulée dans le Décalogue. « Tes pères et mères honorera afin de vivre longuement ». Ce précepte sacré, le catéchisme de Trente, le consigne à la fin du XVIe siècle. Le sire de Pibrac le répète dans les célèbres quatrains où il a condensé le suc de la morale chrétienne et de l'honneur français et qui servirent longtemps à l'éducation des enfants. Dieu tout premier, puis père et mère honore. C'est la base même de la famille patriarcale. Et saint François de Sales rappelait avec force le commandement divin en écrivant à sa mère « Commandez librement à vos enfants, car Dieu le veut ». Soit que la mère partage avec le père cette autorité souveraine, soit qu'il la lui laisse tout entière en mourant, les enfants, devenus même chefs de famille, s'inclinent devant cette douce et majestueuse délégation de la puissance divine. Au XVIe et au XVIIe siècle, l'autorité maternelle est généralement ferme, peut-être même plus souvent sévère que tendre. Mais au XVIIIe siècle, la sentimentalité des nouvelles doctrines pénétrera dans bien des foyers. Et l'excessive familiarité des parents avec les enfants constituera un danger plus grand encore que celui d'une sévérité outrée. Le principe de l'autorité domestique une fois sapé, la famille s'écroulera, et quand cette pierre fondamentale d'une nation vient à manquer, la nation elle-même est près de sa chute. Mais pour la ressource de l'avenir, il restait encore au XVIIIe siècle bien des maisons où se conservaient en même temps que la fermeté des principes l'affection qui les applique avec douceur. C'était souvent sur une véritable tribu que s'exerçait l'autorité maternelle. On ne peut voir sans émotion sur les pierres funéraires des siècles que nous étudions les époux défunts entourés de leurs nombreux enfants, agenouillés autour d'eux, comme pour implorer de Dieu le salut éternel des parents, qui les ont mis au monde et chrétiennement élevés. Il y a là des familles de 12, 13 enfants, et même plus. Depuis les paysans jusqu'au grand seigneur, les pères et les mères aiment apparaître devant Dieu dans la sainte gloire d'une belle postérité. C'est dans ces temps que l'on voyait la maréchale de Noailles entourée de ses 52 descendants. On n'avait pas généralement alors la crainte d'augmenter les charges de la famille par le nombre des enfants. Madame de Toulonjon exprimait cependant cette crainte, et sa mère, sainte Chantal, l'en reprenait avec force et lui disait que le Seigneur, qui envoie les enfants, sait bien pourvoir à leur avenir. Comme au Moyen-Âge, ce que la mère chrétienne voit surtout dans ses enfants, ce sont des hommes qu'il faut préparer à la vie qui se commence sur la terre et qui doit se continuer dans les cieux. La femme forte pouvait dire, comme Madame de Gondy, « Je souhaite bien plus faire de ceux que Dieu m'a donné et qu'il peut me donner encore, des saints dans le ciel que des grands seigneurs sur la terre. » Selon la forte pensée de la duchesse de Liancourt, ceux qui n'élèvent leurs enfants que pour la terre ne se distinguent pas des animaux. Aussi, dès qu'une chrétienne se sent mère, elle offre à Dieu son enfant par la Vierge Marie. Lorsqu'il est né, ravie d'avoir mis au monde un chrétien, elle le bénit. Elle demande au Seigneur de ne le laisser vivre que s'il doit le servir ici-bas, et tous les jours elle renouvellera cette prière, digne du de Blanche de Castille. Voir les enseignements maternels de la duchesse de Liancourt et de Madame Le Guerchois, née Madeleine d'Aguesson, et les vies de Madame de Miramion, de Madame la duchesse de Doudoville, de Madame la marquise de Montagu. On se croirait encore au siècle de Saint-Louis, quand on voit une inscription tumulaire consacrée en plein XVIIIe siècle à la femme d'un magistrat, morte à 34 ans après avoir nourri le fils premier-né, qu'elle avait demandé à Dieu pour être un saint prêtre et un défenseur de la vérité. Le veuf qui dédie cette épitaphe y ajoute ces lignes si simples et si touchantes. « Agréez, Seigneur, l'acquiescement que fait ici le mari au vœu de cette pieuse femme, et octroyez-lui que l'enfant y corresponde, qu'elle repose en paix. » Cette sollicitude, qui avant même la naissance de l'enfant, prépare en lui un défenseur de la vérité, suit la mère dans toute sa mission, quel que soit l'état auquel cet enfant puisse être destiné. La mère le guide par sa parole, plus encore par l'exemple de sa vie, cette vie qui pour lui est une vive image de bien vivre. La mère ne croit pas sa mission terminée lorsque son enfant quitte le foyer paternel, ni même lorsqu'elle aura cessé de vivre. Elle donne à son fils comme à sa fille des conseils où elle a présumé son enseignement. Elle les écrit même dans quelqu'un de ses admirables mémoires que j'ai déjà bien des fois citées.